Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus, 106,6 MHz. Vous avez choisi d'écouter Soigne ta gauche, vous faites bien. Cette émission a été enregistrée le 11 avril. Vous écoutez ce soir Angle d'attaque, l'émission des altermondialistes de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et il va y en avoir de l'action citoyenne dans 3 jours, pas plus, on vote. Premier tour des élections présidentielles. On aura peut-être l'occasion d'en parler du vote comme acte citoyen. Il est en effet à craindre que l'abstention s'invite, si je peux dire comme ça, aux élections. Je ne parle pas des vacances, puisque la zone nord tombe pile poil dans les dates du vote. Je parle de celles et de ceux qui ont un sentiment bien compréhensible d'impuissance, de citoyens floués de sa qualité d'acteur dans la société. Tant le débat public est confisqué aujourd'hui par les décideurs politiques, économiques, financiers, avec l'appui des médias, tous de connivence. Combien Jean Gadret a bien fait de jouer les délateurs sic en disant que tel ou tel économiste, professeur d'université et présenté comme tel, est aussi administrateur de telle ou telle banque ou groupe financier. Voilà, nous allons voter dimanche. On n'y revient pas. Mais ça ne va pas nous empêcher de préparer l'avenir. Et justement, un collectif est en train de se créer, qui s'appelle, c'est tout un programme, Libérons les élections. Ce Libérons les élections attaque, en fait partie, avec du beau monde, avec la Ligue des droits de l'homme, avec les Amis de la Terre, avec le CCFD Terre solidaire et bien d'autres. Et ben là, en disant ça, je m'aperçois que René, je suis en train de prendre ta partie d'actualité d'attaque. J'espère que tu m'en veux pas. Je te laisse la parole pour présenter l'actualité d'attaque. Bien, alors, les actualités d'attaque. Alors, au plan national déjà, d'abord un petit bilan du FAM, Forum Alternatif Mondial de l'Eau. Alors, il faut savoir que le forum officiel est un échec au regard du nombre de participants attendus. Bien que les comptes rendus le présentent malgré tout comme un succès. Bon, ça, on s'en doutait un peu. D'après le témoignage d'un visiteur, Majid Messaouden, qui est correspondant, je crois, de Mediapart, et qui nous livre ses premières impressions, on comprend vite que ce forum est un partenariat public-privé mondial entre les États, les autorités locales et les multinationales de l'eau et de l'énergie. Profusion de discours dégoulinants de bons sentiments et moralisateurs qui nous laissent l'impression que les problèmes d'accès et l'assainissement de l'eau relèvent uniquement des individus. Dans le plus pur style Nicolas Hulot, autrement dit, si chacun fermait son robinet, n'est-ce pas, tout irait mieux. Par contre, aucune allusion au rôle des États et de leurs obligations. Aucune critique des pratiques des multinationales de l'eau, ni de remise en cause de la privatisation. En conclusion, le forum part des besoins des multinationales de l'eau en termes de marché et non des besoins des populations en termes de droit. Par contre, le FAM, alors le forum alternatif, a rencontré un vif succès, rassemblant environ 5000 personnes, bien plus que ce qui était prévu, avec une forte participation de la population marseillaise. Plus de 50 ateliers y ont été tenus. Les luttes de plusieurs dizaines de pays pour l'accès à l'eau étaient représentées. Se sont élaborés des projets constructifs, comme la création d'un réseau des mouvements européens sur l'eau. Ce succès du FAM augure bien du sommet des peuples, de Rio+20, contrepoint du sommet de la Terre qui se tiendra en juin prochain, et dont il était en quelque sorte l'avant-première. Donc, je viens au sommet des peuples, donc Rio+20, dont on a eu une présentation par Pierre Radan le jour de l'ouverture de la semaine du développement durable. Le 29 mars, exactement, oui. Une présentation d'ailleurs sans illusion de Pierre Radan, il faut bien le dire. Alors Pierre Radan, c'est quelqu'un de bien connu à Lille. Elle a été président de la MRESS, enfin de la MNE à l'époque. C'est quelqu'un d'engagé et qui nous a fait part de son scepticisme quant à des résultats éventuellement positifs du Rio+20. Donc c'est constitué un collectif pour Rio+20. Le collectif réunit une cinquantaine d'organisations, dont bien sûr Attaque France. Dans sa contribution, le collectif met en avant la nécessité d'une transition visant l'amélioration de la qualité de vie pour tous, en cohérence avec les limites de la planète. La conférence de Rio+20 devra ainsi s'ouvrir à 2 enjeux majeurs. la transition écologique et sociale qui implique la transformation de notre système économique et le passage à des sociétés post-énergie fossile et sobres en ressources naturelles. La construction d'une nouvelle gouvernance mondiale fondée à la fois sur la responsabilité des États et la consultation d'une société civile active du local à l'international. Elle devra aussi intégrer 10 principes fondamentaux dans sa déclaration, entre autres, le respect des équilibres écologiques, une stabilisation du climat et une protection de la biodiversité, l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités, ça c'est un thème cher à ATTAC d'ailleurs, le respect des limites de la planète, la reconnaissance des biens fondamentaux, la mise en œuvre des règles du Bureau international du travail sur le travail décent, le renforcement de la transparence des entreprises. Comme on le voit, les enjeux sont de taille. Et malgré le succès du FAM, on devine que la bataille va être rude. Il ne sera pas facile de convaincre les nantis et les puissants, les États, les multinationales, la finance. Et déjà, au cours de réunions préparatoires, le torchon brûle entre les grandes entreprises, les syndicats, les ONG. Et d'autant plus que le collectif remet sur le devant de la scène les organisations onusiennes, ce qui est légitime, mais quelle sera la réaction des membres des G8 et G20 ? Autre chose, la délégation européenne qui s'est rendue à Athènes. Les 28 et 29 février, une délégation de plusieurs organisations, dont ATTAC France, s'est rendue à Athènes, dont voici les conclusions. Le peuple grec paye au prix fort le programme d'austérité, chômage, misère, sans-abri, malnutrition, etc. Et la situation se détériore de jour en jour. Le rejet populaire de ces mesures est beaucoup plus important maintenant qu'auparavant, car beaucoup de gens ont compris que les mesures d'austérité seront inefficaces et pressentent que la Grèce est le laboratoire d'une transformation néolibérale des sociétés européennes. La démocratie est la question principale. La Troïka impose, les élites politiques grecques acceptent et le peuple souffre. La défense de la démocratie doit être un combat commun pour tous les peuples européens. Dernière conclusion, l'objectif des forces de résistance grecques est de construire des actions communes avec les mouvements sociaux européens. Suite à ces rencontres, un calendrier de mobilisation au plan à la fois national, européen et international s'est élaboré. Plusieurs actions sont d'ores et déjà programmées, dont Antoine nous abordera dans son calendrier militant. Tout à fait. De nouveaux projets de campagne d'action ont également émergé à Athènes. ATTAC pose également de nouvelles questions aux candidats à la présidentielle. Après le questionnaire d'octobre dernier, auquel 6 candidats avaient répondu, ATTAC a soumis récemment aux candidats 3 nouvelles questions, abordant le thème de la démocratie en France et en Europe, sous forme de propositions à accueillir ou à rejeter, c'est-à-dire soumettre à référendum la ratification du pacte budgétaire, proposer l'élaboration démocratique d'un nouveau traité européen, instaurer en France un vrai droit au référendum d'initiative citoyenne. 5 candidats ont répondu, suite au refus ou à l'absence de réponse de Nicolas Sarkozy et de François Hollande sur le référendum du pacte budgétaire, ATTAC a diffusé un communiqué et une pétition à retourner aux intéressés. Pour rappel, le pacte budgétaire doit être ratifié par les États avant fin 2012. Et là, on va passer au plan local, René. On a fait le 17 mars un bon meeting, on va dire. Le bilan des assises citoyennes du 17 mars. Plus de 200 personnes ont assisté à cette manifestation. C'est assez satisfaisant, mais sans plus, si l'on tient compte de l'effort de communication réalisé. Les exposés des intervenants ont été riches et ont permis de mettre en évidence les faces cachées de ce problème de la dette. D'ailleurs, les questions, pertinentes et de qualité, posées par l'assistance lors de ces débats en témoignent. Une déception, l'absence de la presse le jour des assises, malgré 2 articles diffusés dans les quotidiens locaux quelques jours auparavant. Une partie du public attendait des assises, des suites et des actions à mettre en place plutôt que des discours. Aussi, lors de la réunion du collectif le 19 mars, 2 jours après, donc nous n'avons pas tardé, des suites ont été envisagées au niveau local sans perdre de vue les actions nationales. 3 propositions ont été retenues, réparties entre 3 groupes de travail. Alors, le 12 mai, c'est l'anniversaire du mouvement des indignés, et réunion publique sur le thème de la dette, place de la République à Lille. Que je présenterai d'ailleurs dans mon calendrier militant. Deuxième thème, les dettes toxiques de la communauté urbaine de Lille. Ça, c'est le deuxième groupe de travail. Et enfin, le troisième, les banques, qui est une reprise et adaptation du questionnaire banque élaboré par Attac Lille dans le cadre de l'agenda 21. Ces groupes sont ouverts à toute personne ou association désirant y participer. Le groupe du 12 mai a déjà tenu deux réunions, le 3 avril et le 12 avril au Café Citoyen. Le collectif s'est réuni le lundi 16 avril à la MRES. Enfin, quelques nouvelles du collectif pour un retour en régie publique de l'eau. Une réunion de ce collectif a eu lieu le 28 mars. Et également une rencontre de concertation pour rapprocher le collectif, pour un retour en régie publique, avec le collectif Eau Équitable, qui regroupe entre autres EDA et Magdala, enfin d'autres associations. Bien, merci René. On va faire une pause musicale avant d'attaquer tous ensemble. Je veux vous parler de l'arme de demain. Enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. La fin, la fin, la fin. Mon père ne dort plus sans prendre ses calmants. Maman ne travaille plus sans ses excitants. Quelqu'un leur vend de quoi tenir. nous allons entamer la partie de l'émission consacrée au thème de la campagne électorale. Enfin, les thèmes que nous avons choisis pour illustrer la campagne électorale et que nous avons traités dans les trois premières émissions de l'année 2012. Ces thèmes, je le rappelle, ce sont les banques, le nucléaire et la dette publique. Thèmes pour lesquels nous allons, au long de cette émission, essayer de montrer en quoi ils sont liés. Pour ça, nous avons sous les yeux, mais ça vous ne l'avez pas, un super schéma que René a réalisé qui met tout ça, si je peux dire en musique, mais enfin en liaison. En toile de fond, bien sûr, la crise financière. Et oui, la crise financière qui nous frappe là depuis 2007-2008, qui a commencé donc aux États-Unis par un problème des banques, du crédit, des subprimes. Qui s'est propagé au monde entier et actuellement qui, au travers de diverses aléas, a fini par se répercuter sur les États sous forme de dettes publiques. Oui, comment ça s'est répercuté ? Les États ont dû secourir les banques. Ils étaient déjà un peu endettés et là, leur déficit s'est creusé. Et les banques en ont profité d'ailleurs d'une manière assez perverse. Étant renflouées par les États, elles ont continué leurs petites affaires habituelles. Et en plus, elles ont acheté de la dette d'État. Elles ont acheté des obligations d'État pour avoir, une forme de chantage sur ceci. Le chantage à la faillite. Qui oblige les États à prendre maintenant des mesures d'austérité pour pouvoir payer leurs dettes. Oui, alors effectivement, c'est effectivement la situation dans laquelle se sont mis les États en étant donc tributaires des banques et tributaires de choix économiques qu'ils ne peuvent plus faire, si tant est qu'ils voulaient faire d'ailleurs, je peux quand même le dire, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils remboursent la dette empruntée auprès des banques et ces États n'ont d'autre solution. Mais est-ce qu'ils cherchent une autre solution ? Ça, c'est douteux. N'ont d'autre solution que de prôner l'austérité, la rigueur. Et on l'a vu avec la Grèce qui est l'archétype de la situation compliquée et difficile dans laquelle peut se situer un pays. Et en plus, à côté de ça, les banques, les organismes financiers, voire même les sociétés n'ont pas perdu leurs mauvaises habitudes en continuant, par exemple, de placer leurs fonds, de spéculer dans des paradis fiscaux ou d'utiliser, on va dire, les paradis fiscaux pour masquer leurs activités. Oui, elles n'ont rien changé à leurs pratiques. Elles ont simplement, en plus, mis les États sous leur coupe. Enfin, les équipes dirigeantes actuelles de ces États sont complices, quelque part. Ça me rappelle un petit peu le discours prémonitoire du président Salvador Allende à l'ONU en décembre 1972, et il mettait en garde contre la suprématie des trusts et des compagnies internationales sur, les États. Et on a vu ce que ça a donné, évidemment, à partir de fin 1973 au Chili, après le coup d'État d'Augusto Pinochet contre le président Salvador Allende, et la mise en place en fait de l'ultralibéralisme avec les Chicago Boys. Oui, alors effectivement, c'est l'équipe Milton Friedman, donc monétariste bien connu, qui a expliqué comment on fait du libéralisme, et c'est intéressant dans la mesure où il est vraiment. Ce sont des économistes qui sont vraiment alliés à une junte militaire fascisante, quoi. Hein. Bon, ça c'est peut-être un cours d'histoire qu'on vous fait là, mais je crois que c'est très important de se retourner vers le passé pour comprendre un peu l'avenir. Oui, maintenant on en est là avec une dette publique qui grève les finances de nos États. qui empêche notamment les investissements qui seraient nécessaires, notamment pour la transition écologique, pour remettre de l'activité dans nos États. Il y a environ une part importante des recettes d'État part au remboursement de la dette. Il faut quand même le dire aussi que les États ont en quelque sorte un peu tout fait pour ça. Depuis plus de 10 ans, ils ont volontairement réduit leurs recettes pour faire des cadeaux fiscaux, d'une part aux nantis, aux plus riches, aux entreprises, sous prétexte de préserver l'emploi, mais ça n'a souvent servi à rien. Un exemple pour la France, on sait qu'il y a environ 500 niches fiscales, que ça représentait, toujours pour la France, un manque à gagner de 145 milliards d'euros pour l'année 2010, c'est quand même énorme, que le député Gilles Carré, qui est pourtant un député UMP, dans son rapport d'orientation budgétaire, nous dit qu'en l'absence de cadeaux fiscaux, le budget de l'État aurait même été légèrement excédentaire de 2006 à 2008, et que le déficit, après la crise, n'aurait été que de un peu plus de 3% au lieu de 7,5% en 2009. Il y a aussi, il faut quand même le rappeler, cette interdiction. Donc en France, depuis 1973, et pour les autres États, c'est le traité de Maastricht, en fait, l'impossibilité d'emprunter directement à la Banque centrale, ce qui fait que les États sont obligés d'aller chercher de l'argent frais sur les marchés, c'est-à-dire les banques. Que les banques ont quand même des taux nettement plus élevés que ceux de la Banque centrale, et que ça coûte, par exemple pour la France, environ à peu près l'équivalent de ce que rapporte l'impôt sur le revenu, soit autour de 50 milliards d'euros. Oui. Effectivement, hein, la règle aujourd'hui en Europe, c'est que les banques privées peuvent se financer auprès de la Banque centrale à environ 1% et qu'elles reprêtent au taux du marché aux États. Donc pour la France, on commence à augmenter actuellement, on est autour de 4%. L'Allemagne est à 2,5%. Excuse-moi Christian, c'est partout pareil ? Ah non. Donc effectivement, ce n'est pas partout pareil. C'est la règle en Europe et on est la seule zone mondiale à fonctionner de cette façon-là. Et ça coûte à tous les États. L'Angleterre, Cameron, ne néglige pas que en prêtant aux banques directement, en prêtant aux entreprises directement, ne néglige pas que le petit peu d'inflation qu'il fait, eh bien, ça diminue sa dette. Les Américains sont exactement dans la même situation. Tous les pays du monde ont une banque centrale qui dépend qui dépend du gouvernement, qui dépend de la politique de l'État. Ici, c'est la grande particularité de la zone euro. La Banque centrale, mais René a bien fait de le dire, la Banque de France d'abord et la Banque centrale européenne ensuite, sont des banques indépendantes et n'ont aucun compte à rendre aux États. Et la démocratie dans tout ça, alors ? C'est un vrai problème. On s'est battu à Attac et on continue de se battre sur la technocratie à Bruxelles. Hein, les commissions de Bruxelles, qui sont des gens qui ne sont pas élus, ce sont des techniciens, ce sont des gens qui décident quand même d'un certain nombre de choses pour nous. Et la Banque centrale est du même tonneau. Il y a pire, parce que les gens qui maintenant sont au pouvoir en Italie sont des technocrates qui n'ont pas du tout été élus et qui dirigent le pays. Et ça, c'est vraiment un déni de démocratie. Ça, c'est vraiment un problème aujourd'hui. Il faut rappeler que ce sont d'anciens financiers. Oui. Draghi, Monti... Oui, alors, Monti en Italie, Draghi est un cas de figure absolument exceptionnel dans le monde. Enfin, on ne comprend pas bien comment ce personnage est aujourd'hui à la tête de la Banque Centrale Européenne. Il a fait partie de Goldman Sachs, on l'a déjà dit, c'est-à-dire des gens qui ont aidé le gouvernement grec à cacher le déficit public grec, qui était d'un peu plus de 5%, pour passer à 3%. Et pouvoir être dans les fameux critères, un peu crétins d'ailleurs, je veux le dire comme ça, de Maastricht, c'est-à-dire 3% de déficit budgétaire. Donc pour résumer, les États se sont finalement endettés pour les grosses sociétés européennes, qui bien souvent sont détenues par des grandes fortunes, sans faire de raccourcis. Hein. Et tout cela empêche actuellement, a mis les États dans une situation où ils ne peuvent plus faire d'investissement public, ne serait-ce que les investissements, entre guillemets, de transition écologique, qui seraient les bienvenus en ce moment. Disons que l'idée, et on l'entend partout dans les médias, c'est qu'il faut réduire les déficits publics, et par là, réduire les dépenses. Jamais on ne parle du problème des recettes, jamais le débat n'est présenté en disant où on va trouver l'argent, il doit bien y en avoir. Jamais. On n'entendra jamais ça. On entendra uniquement le « il faut absolument, bien entendu, revenir à un déficit faible, voire quasi nul ». Voilà, ça c'est la règle d'or qui devrait être appliquée par les mécanismes européens qui sont dans le nouveau pacte budgétaire, qui est une absurdité, enfin, qui est, il faut le dire tel quel. Hein, la France a un déficit de 80 ou 85 milliards, et on devrait réduire ce déficit à 0,05%. C'est-à-dire qu'en fait, les dépenses de l'État devraient trouver 85 milliards, c'est ça que ça veut dire. Le fait de ne plus avoir de déficit, ça veut dire que l'État devrait trouver en un an 85 milliards, ce qui est absolument impensable. Voilà, donc voilà la situation dans laquelle on est, et je crois qu'il va falloir quand même penser à mettre un terme. Donc ça suppose évidemment des coupes budgétaires gigantesques, et ça nous a amené à élaborer un petit schéma. Ce qu'on appelle ces fameux plans d'austérité vont forcément porter sur le pouvoir d'achat, donc entraîner une baisse de la demande, donc forcément une récession, ce qui va entraîner une augmentation du chômage et de la pauvreté. C'est déjà le cas en Grèce. Je vous ai parlé là du rapport de la délégation qui avait été à Athènes, où on commence à voir la faim, FAIM, s'installer en Grèce. C'est quand même terrible. Oui, si vous voulez, j'ai quelques chiffres qui peuvent être intéressants. C'est justement envoyé un mail que j'ai reçu par une Française qui vit là-bas en Grèce depuis 20 ans, Marie-Laure Vélan. Et voilà, elle nous dit que les conventions collectives ont été supprimées, le salaire minimum a baissé de 22%, je résume, hein, 10% de baisse en plus pour les moins de 25 ans, voilà, gel du salaire minimum pour 3 ans jusqu'en 2015, gel des primes à l'ancienneté, baisse de 2% des cotisations sociales en 2012 et de 13% en 2013, baisse des grilles des salaires dans la fonction publique, baisse de 15% des retraites complémentaires, baisse de 15% des retraites principales, suppression directe de 15 000 postes dans la fonction publique. Et comme tu disais, René, effectivement, les enfants font cours dans des écoles sans chauffage et pour faire des examens à l'hôpital, il faut avancer les frais. Voilà, plus d'impôts sur la propriété, etc. Et j'en passe, et des pires, oui. C'est un appel au secours en forme d'avertissement parce que c'est ce qui nous guette dans les années à venir, même en France et peut-être bien aussi en Allemagne, si on ne réagit pas à la situation actuelle. On peut se le demander, effectivement. Oui, je pense que c'est ça aussi. Et de plus en plus de Grecs commencent à dire, oui, nous, on est le laboratoire où on est en train de tester le programme néolibéral qui va s'appliquer à toute l'Europe. Et pourtant, la Grèce est le berceau de la desmoscratia, la démocratie. Je voulais juste terminer mon petit cycle là. Donc là, nous avons parlé de l'aggravation du chômage et de la pauvreté, mais ça va entraîner encore des baisses de recettes fiscales, donc un accroissement du déficit et de l'endettement. Donc à terme, un nouveau plan d'austérité pour conjurer ces nouvelles dettes. Et on peut quand même se poser la question, d'ailleurs les financiers se la posent aussi, c'est que quand même leur richesse, leur revenu vient de l'activité économique de la richesse des États. Si les États deviennent de plus en plus pauvres, eux-mêmes vont en souffrir. Je crois que ce paradoxe pose question aussi. Je crois qu'il y a des articles dans les Échos ou dans certains journaux financiers qui font allusion. Oui, bien sûr, c'est tout à fait légitime pour un banquier de se dire « est-ce que mon client est solvable ?» Et donc, il y a aussi une inquiétude de la part des financeurs, du marché financier, de voir que les politiques d'austérité elles sont pas, ne vont pas permettre de rembourser la dette. Et voilà une situation qui est complexe. Alors, je voudrais ajouter une chose quand même. Sur les chiffres qu'annonce Antoine sur la Grèce. Il y a une chose aussi étudiée par, je crois, des Américains, mais dont j'ai perdu le nom, c'est que le fait d'avoir du chômage, le fait d'avoir de la misère, comme on vient de le dire, parce que je pense que le mot n'est pas trop fort pour une partie de la population grecque, c'est aussi la déqualification des gens. C'est aussi, non seulement les gosses ne vont pas à l'école, mais beaucoup de chômage, ça veut dire des gens qui perdent leur qualification, c'est des gens qui perdent leurs compétences et qui renforce encore un peu plus la crise économique. Parce que si il y a quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'un pays sorti de crise se relève, c'est deux choses. C'est l'État qui prend c'est l'État, et puis c'est l'éducation. C'est le fait qu'on ait une population plus formée, plus qualifiée. Alors, et je fais référence à ça c'est extraordinaire, au projet européen de économie de la connaissance. Où est l'économie de la connaissance qui ont été défendues par tous les gouvernements européens il y a 5-6 ans, quoi. Il y a une chose aussi que je voudrais faire remarquer qui m'a paru comme un paradoxe, c'est que quand même les gouvernements que nous avons eus, les libéraux, les néolibéraux, sont quand même des productivistes. Ils nous ont toujours seriné des discours sur la croissance, et on constate depuis en gros une trentaine d'années que cette croissance en Europe chute progressivement pour arriver à des chiffres actuellement de 0,5%. Bon, on peut trouver peut-être une partie de la réponse. Cette croissance a été externalisée dans les pays dits émergents. Un petit fadier, s'il te plaît. Tu nous escagasses avec ton euro million. Tu nous escagasses. Tu nous escagasses avec ton Eurovision. Tu nous escagasses. Tu nous escagasses avec ton euro tunnel. Tu nous escagasses. Tu nous escagasses avec ta constitution. Tu nous escagasses. L'Europe, je vais te la faire. Pas besoin d'aller chercher très loin. Du Péloponnèse au Finistère, si on a bien un truc en commun. C'est l'euro de l'apéro avec les copains dans le jardin. Euro pastis, euro porto, euro bouzo, euro ricard, euro Guinness, euro saucisse. Et à Francis, à la guitare. Ouais, une escagasse, Francis. Tiens, suis-le, prends un stylo et note la Constitution. Article 1, tu ne boiras pas dans le verre de ton voisin. Ouais, du monde, au moins de pétanque à 16h. Apéro offert à tous ceux qui vont de oui. Ça vous dit? Mais de quelle croissance parle-t-on? De la croissance verte? Où en est le développement durable? Et puis on parlait de coûts qui pèsent sur les finances publiques. Et les centrales nucléaires, alors, qui me semble sont de plus en plus coûteuses, à l'inverse d'autres technologies? Si je peux commencer à répondre, c'est vrai que je trouve que c'est un peu un gros amalgame de toutes les situations qui convergent. Mais c'est vrai qu'on constate que les banques, elles sont des actionnaires pour la plupart, elles décident donc des investissements avec un taux de rentabilité à la clé, et on se rend compte que le nucléaire, dont on parlait le mois précédent, est un des secteurs d'investissement qui reste prioritaire malgré toutes les vives critiques. Et en parallèle de ça, les États eux-mêmes n'ont pas encore passé, enfin les débats sont tellement vifs en ce moment, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas passé le cap du nucléaire pour s'orienter vers la croissance verte intégrale, et que on est encore dans une phase de transition, alors que les sirènes sont déjà hurlantes et annonçaient déjà il y a quelques années que le nucléaire devait aller vers sa fin. Et ce, quel que soit en fait le résultat des prochaines élections, non? Là, c'est un peu difficile de répondre. En fait, il faut prendre chaque programme un à un. On se rend compte qu'il y a certains programmes qui mettent le nucléaire en avant encore sous les faux arguments de l'activité non émettrice de CO2. Donc là, c'est vraiment pro-nucléaire à 100%. D'autres ont des politiques de transition, mais sur du plutôt long terme, qui bien souvent ne correspondent pas aux attentes de certaines associations écologistes, même les plus classiques, et qu'il y a aussi certains partis qui, eux, acceptent, on va dire, la remise en cause. Bon, ils ne sont peut-être pas encore au point d'une transition telle que Virage Énergie nous la présentait. Mais il y a quand même un panel, même s'il faut choisir entre deux mauvais choix, ça reste quand même un choix politique possible. Bah, je crois effectivement que d'une part Fukushima plus récemment et heureusement sans danger le dernier avatar de la centrale nucléaire en France a fait qu'il y a aussi une pression populaire pour dire attendez, réfléchissons un peu plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent et c'est pas si simple que ça quoi. Hein. C'est vrai, tu as raison de rappeler que nous ATTAC en l'occurrence ici on a pris parti clairement pour les choix de Virage Énergie, c'est sûr qu'on n'en est pas là. Mais progressivement, je pense que la conscience du danger du nucléaire est prise maintenant et que les gouvernants actuels, et quels qu'ils soient, vont devoir tenir compte de cette situation, de cette pression qui peut être sociale. Toutefois, on peut quand même constater que le gouvernement actuel n'a pas pris de décision vis-à-vis du nucléaire. Et comme l'a dit le président de la Cour des comptes, ne pas prendre de décision, c'est en fait engager l'avenir pour longtemps, puisque nos centrales nucléaires actuelles vont coûter de plus en plus cher en maintenance, on le sait. Pour la période 2011-2025, ça pourrait revenir à 3,7 milliards d'euros par an. Alors qu'en 2003, par exemple, on était autour de 500 à 600 millions d'euros. Et donc arrive bien là la question que tu posais tout à l'heure de la démocratie qui nous fait du coude depuis le début. Tout ça, c'est quand même des choix qui... Bah, on a l'impression, de nos jours, on est tellement contrôlé par les politiques, on a l'impression que c'est des choix politiques à déléguer à des instances gouvernementales. Finalement, c'est quand même aux citoyens, chaque citoyen, de se révéler apte au choix, que ce soit sur le domaine du nucléaire ou même sur le domaine de ce qu'on va faire de la dette publique actuellement. Ce sont justement des sujets sur lesquels les citoyens n'ont jamais eu le choix. Sur le nucléaire, on ne nous a jamais demandé notre avis, pas plus que sur la dette ou sur l'ingénierie financière ou sur l'imposition, les dettes, les niches, etc. Ce sont justement des sujets sur lesquels il n'y a pas de démocratie. Je dirais qu'il y a un premier travail de réaccaparement de ces questions par les citoyens. Vouloir y répondre sans s'être fait poser la question, c'est peut-être d'abord imposer la question publiquement. René ? Je voudrais dire aussi que longtemps, on a tenu les citoyens comme pas suffisamment intelligents pour comprendre les débats et on a confié toutes ces questions à ce qu'on appelle les experts. Il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, les régimes ultralibéraux aiment bien s'appuyer sur des régimes forts. Les politiques ultralibérales peuvent fonctionner à partir du moment où ils ont des régimes forts et où la démocratie est en recul. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, il faut qu'on mette les choses au clair. La croissance verte, René ? Alors, la croissance verte, qu'on appelle aussi capitalisme vert, vantée par le MEDEF, c'est bien, au fond, continuer le système productiviste en verdissant un peu le capitalisme, c'est-à-dire en polluant un peu moins, histoire d'éviter vraiment les grosses catastrophes. Mais tout compte fait, pour eux, polluer, ça n'est pas si grave. Là, je me réfère à Paul Ariès. Polluer n'est pas si grave puisque ça va développer de nouveaux marchés, celui de la dépollution. On peut détruire, continuer à détruire puisque ça va développer un marché de la restauration. En clair, polluer moins pour polluer plus longtemps, en fait. Oui, polluer un peu moins pour éviter vraiment que ce soit catastrophique, mais en même temps continuer à polluer parce que finalement, ça va développer de nouveaux secteurs d'activité. Par exemple, justement, on voit bien que la croissance arrive à ses limites, qu'on va devoir changer, mais vraiment changer le fond des choses et aborder des sociétés de décroissance avec un développement qui devra respecter les écosystèmes. Le mouvement de la décroissance part du constat de la baisse des matières premières. Le pic du pétrole est passé, celui du nucléaire est sur le point d'être passé, et donc les énergies, on va dire, abondantes vont être amenées à s'épuiser. Je dirais les énergies de stock, c'est-à-dire les énergies fossiles, qui sont en même temps les sources d'énergie émettrices de CO2. La décroissance, ce n'est pas non plus l'abondance d'énergie, même si elles étaient renouvelables. La décroissance, c'est plus de liens, c'est du social. C'est la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique. Voilà, associer les deux. Et de façon à ce que notre empreinte écologique soit la plus faible possible sur cette planète. Jama, tu n'es pas d'accord? Bah, oui, je vois que tu répètes un peu le discours de virage énergique, qui est certes un discours très éclairé sur les changements qu'on peut appliquer, on va dire, sur les 30 prochaines années pour sortir du nucléaire et arriver vraiment à une région Nord-Pas-de-Calais autonome en énergie. Mais ce n'est pas un discours de décroissance. Il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est d'arriver à diviser, je crois, les émissions de CO2 par 4, tout en se passant quand même de gravelines. Je crois que l'objectif est quand même intéressant. Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que il m'a semblé que le programme de virage énergie coïncidait, donc c'est effectivement un programme qui prône la sobriété, mais sans aller vraiment au-delà. La décroissance, c'est un mouvement qui prône le lien social, en remplacement de toutes ces consommations futiles du quotidien. Ça remplace un bonheur éphémère par un bonheur concret et un amour entre les personnes. Je répondrais, je crois qu'il faut procéder par étapes. Pour arriver à une société plus humaine, on va pas y arriver comme ça en disant. Je pense que le programme, par exemple, de virage énergie, qui permet au moins déjà de réduire notre impact au niveau de la consommation énergétique, c'est une première étape. Ensuite, le but, ce serait d'être moins gourmand aussi en gadgets, en produits, et de réduire en fait notre empreinte écologique sur cette planète. Et après, de recréer une société, certes, plus conviviale, plus humaine. Là, oui. Mais à mon avis, ça ne peut se faire que par étapes. Moi aussi, je me référerais bien à Polariès. Le discours auquel j'adhère, c'est de remplacer finalement de la consommation excessive par du lien social qui constitue, on va dire, un soutien à toutes les difficultés quotidiennes. Au lieu finalement de s'acheter une voiture pour toutes les situations où on a besoin de se déplacer, c'est avoir un réseau autour de soi qui permet soit de rapprocher les activités qu'on aurait eues assez loin de chez soi, plus proche, soit d'avoir un réseau qui nous donne les moyens de se déplacer par l'autopartage, par différentes solutions de proximité, mais qui sont dans une région proche, des solutions à l'échelle de quartier, de ville, etc. Dans Polariès, c'est la relocalisation d'un certain nombre d'activités. Oui, on peut commencer déjà par supprimer les publicités lumineuses des magasins dans les centres-villes. Je voulais dire aussi, attention, parce que le capitalisme pourrait très bien développer des systèmes de partage, mais privatisés, c'est-à-dire qu'il lui rapporterait de l'argent. On pourrait imaginer un autopartage aux propriétés, non ? Je pense quand même pas que ce soit tout à fait automatique. Mais là où je te rejoins, c'est que les politiques d'austérité, les politiques de rigueur ne peuvent être menées, manifestement, et on s'en aperçoit, qu'avec, je vais dire un mot violent, mais avec de la violence d'État. Et donc, avec des choses qu'on peut déjà apercevoir, de la répression, de l'augmentation de la répression, etc. Donc ça, je pense que c'est vers ça qu'on va. Et c'est pire, parce qu'il semblerait que c'est admis, je crois qu'on en a déjà parlé, il semblerait que c'est admis par les gouvernants actuels de la zone euro. Hein. Donc, ils admettent, enfin, clairement, ils admettent que d'ici 2020, bon, on va vivre dans une période d'austérité, de glaciation. Au moment de réchauffement climatique, c'est un peu con, mais enfin, de glaciation, des relations dans la société. Et ça, c'est une partie de notre travail d'attaque que nous devons mener. J'ai parlé tout à l'heure de libérons les élections. Je crois qu'il y a tout un travail que nous faisons déjà, que nous continuons de faire avec des collectifs sur la réappropriation de la démocratie. Et la démocratie, pour quoi faire ? Eh bien, pour aller vers un autre modèle de développement. Donc, en fait, s'il est possible de conclure après ce débat, c'est de dire il faut quand même qu'on accède, enfin que les gens accèdent à un pouvoir. C'était de mettre en cause aujourd'hui les décisions qui sont prises au niveau de Bruxelles, au niveau de Francfort, et reprendre un peu la main sur notre avenir. Je pense que si les questions de changer les choses, c'est par là qu'on peut y arriver. Et ça mettra du temps. Oui, alors évidemment, le débat n'est pas clos, il ne peut pas l'être. Et je crois que vous n'avez pas fini de nous entendre sur cette antenne. C'est un joli nom, camarade. C'est un joli nom, tu sais, qui marie cerises et grenades aux cent fleurs du mois de mai. Pendant des années, camarade, pendant des années, tu sais, avec ton seul nom comme aubade, les lèvres s'épanouissent. Camarade, camarade, c'est un nom terrible, camarade, c'est un nom terrible à dire, quand le temps d'une mascarade il ne fait plus que frémir. Que venez-vous faire, camarade? Que venez-vous faire ici? Ce fut à 5 heures dans Prague que le mois d'août s'obscurcit. Camarade, camarade, c'est un joli nom, tu sais, dans mon cœur battant la chamade pour qu'il revive à jamais. Se marie cerise et grenade aux cent fleurs du mois de mai. Bien, eh bien, on va passer à la dernière partie, en deux parties d'ailleurs. On va commencer par les lectures des copains d'attaque. Allez-y, je crois que c'est Antoine qui commence. Oui, le 30 mars est sorti un nouveau livre intitulé « La dette odieuse, les leçons de la crise grecque », écrit par Jason Manolopoulos. Voilà, alors c'est un auteur qui est doublement impliqué, puisque à la fois, comme l'indique son nom, il est d'origine grecque, mais à la fois il est financier international. Et il démonte les mécanismes de la crise grecque pour faire comprendre les actuels dysfonctionnements et difficultés de l'Europe, en expliquant les vraies raisons du désastre et propose des pistes pour sauver ce qui peut l'être. Alors pour lui, il y a quatre raisons. Déjà au niveau local, c'est-à-dire la Grèce, il explique que pendant les 3 siècles d'occupation turc, tromper le collecteur d'impôts de l'Empire ottoman était un devoir moral pour chaque grec. Sauf que cette pratique a perduré indûment, et si on y rajoute la corruption et le clientélisme, les finances publiques grecques se sont retrouvées en piteux état. Deuxième raison, l'Allemagne, puisque les entreprises allemandes ont corrompu sans complexe des autorités grecques, sans compter que l'or de la Banque nationale de Grèce a été emporté par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et n'a jamais été restitué. Tant qu'au marché financier, une grande banque de Wall Street a indiqué au gouvernement grec comment maquiller ses comptes pour emprunter toujours plus. Par-dessus ça, l'Union européenne, les critères de convergence avec les autres pays de la zone euro ont dérapé. Donc, résultat des courses, la Grèce, exemple, espère follement que les marchés se contenteront de la punir en réduisant sa population à la pauvreté sans exiger la misère. Donc, est-ce qu'il faut ou non sortir de l'euro? Quelles réformes administratives, fiscales et institutionnelles faut-il mener? Comment réorienter l'économie? Ces réflexions d'ailleurs sur la Grèce concernent toute l'Europe et en premier lieu la France. Voilà, donc je vous recommande de lire ce livre. Je vous rappelle l'intitulé « La dette odieuse, les leçons de la crise grecque » par l'auteur Jason, comme ça fait allusion à la mythologie grecque, Jason Monopoulos, aux éditions Pearson, Pearson. C'est un livre de 416 pages, paru le 30 mars 2012, pour le prix de 29 euros. Voilà, quelque chose de tout à fait clair et un ouvrage certainement très intéressant. 419 pages, c'est pas simple quand même à lire comme ça en un week-end. Mais c'est peut-être pas le week-end qu'on lit d'ailleurs. René, tu as autre chose? Alors, moi j'ai un livre que nous avait conseillé l'un de nos auditeurs, Edouard. Donc, encore Edouard. Merci Edouard. Et qui date de quelques années déjà, 2003. Mais qui reste toujours d'actualité en cette période où règne plus que jamais le diktat de la finance. Alors, il s'agit de « Et la vertu sauvera le monde » de Frédéric Lordon. Encore lui, oui. Alors, rappelons que dans ce tout début du 21e siècle, est marqué par l'explosion de la bulle Internet et quelques gros scandales financiers avec la chute d'entreprises telles que Enron, le groupe Messier, etc. Mais que nous disent les experts, relayés par la vulgate médiatique? Que si la finance a des ratés, ces accidents sont dus au manque de rigueur, de transparence, d'honnêteté de certains acteurs. Le système, lui, ne serait pas en cause, étant par nature globalement sain. D'où ces appels à l'éthique, à la morale d'entreprise que l'on entendra à l'époque. Frédéric Lordon va nous démontrer que cette mise au pilori de quelques-uns fait office de diversion, masquant que c'est du côté des structures, de la finance globalisée et déréglementée, qu'il faut rechercher les causes de ces catastrophes. Cela nous amène à un détour sur les logiques propres de la finance, ce fameux mimétisme des marchés, où chacun doit renoncer à sa propre réflexion, fût-elle de bon sens, pour ne s'intéresser qu'à celle des autres. Car in fine, comme le dit Frédéric Lordon, la finance n'est qu'un monde de l'opinion et de la croyance, un monde fou, mais qui détient en quelque sorte la force de frappe, c'est-à-dire l'épargne concentrée, le contrôle des liquidités, et profite de la vulnérabilité des entreprises désormais soumises à ces lois. Dictature du cours en bourse, risque de prédation, etc. Également le rôle joué par la corporate gouvernance, comme ils disent, ensemble de concepts et de pratiques qui a pour vocation de faire pénétrer la logique financière au cœur de l'entreprise, mettant à mal cette distinction sarkozienne entre bon capitalisme entrepreneurial et mauvais capitalisme financier. Mais ce livre nous amène aussi un petit retour en arrière pour comprendre pourquoi la finance de marché a-t-elle réussi à imposer son hégémonie? C'est que l'État lui-même s'est impliqué dans la fabrication du marché financier globalisé, répondant à des intérêts immédiats sans mesurer les conséquences à long terme. En France, par exemple, ce fut la création des OAT qui permit d'exporter notre dette sur le marché mondial. On en voit les conséquences actuellement. mais également parce qu'il y voyait un moyen de contourner le contrat social national et de discipliner le salariat par la contrainte extérieure que représente la nécessité de compétitivité, largement soutenue, on s'en doute, dans cette manœuvre par les entreprises, les grandes, celles du CAC 40, qu'elles soient financières ou industrielles, dans le but de favoriser leur croissance externe par les fusions, acquisitions, ou, dans le cas des banques, de s'imposer sur de nouveaux secteurs financiers, mais paradoxalement, se plaçant de ce fait sous la contrainte de l'actionnariat et de ses caprices, et s'exposant aux tempêtes boursières. Voilà, donc, et la vertu sauvera le monde. Après la débâcle financière, le salut par l'éthique, point d'interrogation, de Frédéric Lordon, aux éditions Raison d'agir pour 6 euros. Voilà encore un bouquin de Frédéric Lordon. De plus, comme tu le disais, on a bien besoin de sa réflexion. Et effectivement, au cœur de sa réflexion, c'est l'insouciance ou l'incompétence des banquiers qui font toujours la même chose, les mêmes fautes, et toujours fiers de ce qu'ils font et inattaquables. Et qui, pour en quelque sorte gagner en puissance, se sont mis sous la coupe de la finance. Il y a quelque chose un peu un paradoxe. Ok, René, des lectures toujours enrichissantes de Frédéric Lordon. Bien, on va passer à la toute dernière partie. On va passer au rendez-vous d'Antoine. Oui, eh bien, dès demain, le Cabaret de l'Union s'intéressera aux vies des ouvriers. Mémoire d'ouvriers sera le film projeté suivi d'un débat. Un buffet clôturera cette soirée sur réservation obligatoire auprès de Travail et Culture, contactable au 03 20 89 40 60 ou par mail info au singulier @travailetculture.org. Ce cabaret aura lieu au cinéma Le Duplex, situé au 47 Grande Rue à Roubaix, métro Eurotéléport. Ce sera donc le vendredi 20 avril à partir de 19h. Si en sortant vers 23h, vous n'avez pas envie de rentrer chez vous, la nuit du cinéma vous emmènera jusqu'à 6h le lendemain matin à l'Hybride, au 18 rue Gosselet à Lille. Autre rendez-vous. Comme chaque 1er mai à Arras, des auteurs, des éditeurs, des travailleurs sociaux et des artistes se réunissent autour de l'objet qui véhicule le mieux à leurs yeux l'idée de la fraternité, le livre. Pour cela, le festival investit tout le quartier des arts en faisant place belle à des concerts et spectacles. Ce 11e salon du livre d'expression populaire et de critique sociale se déroulera de 10h à 19h le 1er mai prochain. Pour en savoir plus, surfez sur www.colère.com ou téléphonez au 03 21 15 35 87. Le mois prochain marquera le premier anniversaire de la naissance du mouvement des indignés qui organisera sa journée mondiale. Les indignés lillois coordonneront un forum interassociatif auquel Attaque Lille participera. Ensemble, nous interpellerons le grand public à propos des conséquences des politiques ultralibérales sur nos vies quotidiennes, à commencer par la baisse généralisée du pouvoir d'achat des ménages. Dans la matinée du 12 mai, des marches au départ de Roubaix, Eurotéléport et du Villeneuve-d'Astriolo seront organisées et convergeront vers le centre-ville de Lille et la place de la République pour un pique-nique et une après-midi festive entremêlant ateliers créatifs et artistiques, débats thématiques, musique-animation, actions et ateliers pédagogiques. Le programme des indignés de Lille peut être retrouvé sur www.realdemocratie-lille.fr. Et leur adresse électronique aux indignés est contact au singulier @réeldémocratie-lille.fr. Quelques jours après la journée de l'Europe, que nous voudrions plus sociale et plus solidaire et qui sera célébrée le 9 mai, cette action annoncera la mobilisation altermondialiste devant la Banque Centrale Européenne. Vous savez, la fameuse BCE à Francfort en Allemagne. Ce sera les 17, 18 et 19 mai suivants. Pour en savoir plus, écrivez-nous à attaquelille@gmail.com. Eh bien, d'ici là, espérons qu'il y aura eu un changement politique en France. Rappelons que si voter est un droit, c'est aussi un devoir civique les dimanches 22 avril et 6 mai prochains. En cas de vote par procuration, contactez votre mairie, votre gendarmerie et faites reculer ainsi l'abstentionnisme. Mais positivez avec le retour des beaux jours et profitez des animations proposées dans les jardins ouverts et néanmoins clôturés de la métropole lilloise. Pour en savoir plus sur cette programmation, vous pouvez surfer sur www.ajonc.org. Les Ajons sont une association qui organisera la fête de la nature et des jardins à Lille les 11, 12 et 13 mai prochains. Ce calendrier militant peut être lu sur www.attaquelille.over-blog.com. La prochaine émission d'Angle d'Attaque, le jeudi 17 mai prochain, jour de l'Ascension, aura pour thème Rio plus 20 avec Jean Gadret, économiste et président d'Attaque Villeneuve-d'Ascq. À bientôt. Merci Antoine pour ces choses très précises que tu viens de nous dire. Nous vous souhaitons une excellente soirée.